Bonjour à tous, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, alors quoi de mieux que de s'enfermer dans des salles obscures et venir parler de ce qu'on a vu. Bienvenue dans le 4e épisode de C'est quoi le pitch, votre podcast sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes. Aujourd'hui un programme pour le moins égalitaire puisque nous aurons du blockbuster bien gras avec Avengers 3, du drame intime avec japonais avec The Third Murder et un film d'animation avec L'île aux chiens. Pour parler de tout ça autour de la table, j'ai mon équipe de super-héroïnes à moi, mes pierres de l'infinité, j'ai nommé Fiona, Sarah, Armand, Rumix et Marine. On commence par le courrier des lecteurs et ça va aller très vite parce que bah y a rien cette semaine. Même pas une petite insulte ou une menace de mort sur ce qu'on a dit sur Ready Player One. C'est décevant. Mais si jamais l'envie vous prend, vous pouvez nous écrire à c'estquoilepitch@gmail.com. On vous rappelle, comme toujours, que ce podcast est 100% spoil et que chaque personne qui aura le malheur de prononcer le mot truc entendra cette sonnette et se verra immédiatement couper la parole. On va commencer par un film assez unique. Pardon. J'avais écrit ma transition, mais elle ne marche plus. On va commencer par L'île aux chiens, écrit par Wes. Qui n'est pas un film unique. L'île aux chiens, écrit par Wes Anderson, Roman Coppola, Jason Schwartzma et Kunichi Nomura, qui est probablement la caution japonaise du film. Et c'est Marine qui va nous le pitcher. Oui. Alors donc L'île aux chiens, c'est comme tu l'as dit un film d'animation, ça se passe à Megazaki au Japon et c'est donc une ville qui est victime de surpopulation canine et en plus ces chiens sont victimes d'une grippe canine et le gouverneur de Megazaki déteste les chiens. Et il a décidé de les exiler sur une île poubelle, donc là où on met les déchets. Donc voilà, il exile tous ses chiens sur cette île et le jeune Atari, 12 ans, décide d'aller chercher son chien Spot qui a été exilé sur cette île-là. Et donc il débarque sur l'île poubelle et il part à la recherche de son chien avec un gang de chiens errants donc, qui a été exilé sur cette île-là et dont le chef, la voix c'est Bryan Cranston. Voilà, je vais juste le dire parce que c'est tellement cool. Je trouve que ça le fait trop d'avoir Bryan Cranston en voix si pour le chien. Plu, hein. Voilà. Et oui, comme tu peux l'entendre, j'ai beaucoup aimé le film. D'accord. Bon, alors, je vais parler tout de suite de ce qui m'a dérangé le plus dans le film. Go. Les chats sont les méchants. Je veux dire, ce n'est pas possible. Moi qui suis un cas de personne, tous les chats dans le film, c'est presque raciste hein, ce film. Hein. Tous les chats sont présentés comme des espèces d'ignobles bêtes qui sont là pour faire du mal aux chiens, alors que non, c'est pas eux qui ont provoqué la grippe. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là où je suis pas d'accord, c'est que justement. Oui, non, enfin, moi je préfère les chiens, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, c'est assez stérile. Mais si, rentrons dans le débat. Les chats sont des saloperies, c'est un fait. Non, les chats sont des créatures merveilleuses. Non, moi je trouve que le souci, c'est que justement, on ne voit pas les chats. On les voit pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins signifié comme étant l'opposant direct, puisque c'est chien contre chat. Or, à aucun moment... non, c'est les humains, en fait. Enfin, c'est le gouverneur, principalement, qui déteste les chiens. Enfin, il y a quand même un souci de mise en place du scénario. Enfin, on va parler, parce que autant j'ai adoré le film, autant je trouve que le scénar, c'est un peu n'importe quoi. T'as du mal à comprendre vraiment d'où... Alors, pourquoi il fait ça? Qui en veut à qui, etc. Non, c'est clair. Les chiens ont une maladie, et pour éradiquer cette maladie, il envoie tous les chiens... Tu peux pas dire que les chats... ont été signifiés comme les méchants. Enfin, c'est plus ou moins sous-entendu, mais à aucun moment on pose les chats comme antagoniste principal des chiens. Oui, c'est-à-dire qu'on les signifie de temps en temps, c'est-à-dire quand ils passent les slides avec les membres du gouvernement qui interviennent pour dire qu'il faut bannir les chiens, etc., ils ont tous un chat sur l'épaule. Mais les chats sont pas du tout des personnages à part entière. Ils parlent pas, alors que les chiens sont pas traités du tout comme ça, à l'inverse, quoi. Donc là, là déjà, je trouve que c'est pas hyper clair. Mais oui, l'antagoniste principal, c'est le gouverneur. Après, c'est pas les chats, quoi. Ok, Fiona. Oui, je comprends pas du tout ta remarque, Guillaume, parce que pareil, j'ai pas du tout vu les chats. Enfin, je trouve que les chats sont complètement secondaires, voire tertiaires à l'histoire. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était important. J'ai dit que clairement, ils étaient montrés comme des petites saloperies. Mais oui, dans l'histoire, ils n'ont aucun intérêt. Même pas. Non, mais il y a pas de personnage de chat. Mais je suis pas d'accord. C'est les chats, c'est l'animal que préfère le gouverneur. C'est tout, ouais. C'est tout. Oui, bah, non, bon, bah ça n'a gêné que moi, très bien. Non, mais si vous aimez pas les chats, j'ai peur rien. Ce qui est confusant, c'est qu'au début, moi j'ai trouvé, t'as une très très longue prologue qui est vachement bien, enfin je veux dire en termes visuels et narratif et tout, c'est super, mais qui est quand même compliqué à saisir. C'est-à-dire qu'effectivement, on te place les chats, les humains, les chiens, il y a tout un historique très long et assez compliqué qui ensuite, que t'as du mal ensuite à ramener au reste du film. Enfin, ça devient un peu brouillon dans le le sens où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à traiter en très peu de temps. Et quand même, le rythme du film est tout le temps comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on te balance des informations, on t'en balance, jusqu'à la fin où ça devient encore plus frénétique, où il règle un peu tout en trois coups de cuillère à peau. Et vraiment, je trouve que le rythme du film est pas fait. Enfin, rend le film, du coup, très dynamique et très enthousiasmant, mais en termes de scénar, t'as du mal à suivre, quoi. C'est marrant, j'ai trouvé tout le contraire. Non, en fait, j'ai trouvé que justement l'histoire elle est assez claire pour moi, hein. Donc le prologue sert à te montrer juste pourquoi le gouverneur préfère les chats aux chiens, quoi, et pourquoi il déteste les chiens à ce point-là. Et ensuite on te montre l'aventure d'Atari sur l'île aux chiens. Et au fur et à mesure, on va t'apprendre que c'est un complot gouvernemental depuis le début et que même la grippe canine a été mise en place par le gouvernement pour se débarrasser des chiens. Donc pour moi, le scénario, il tient juste en ça. Et c'est ce que j'ai reproché au film, c'est que je trouvais que le rythme était chouette, mais qu'il y avait des redondances. Du coup, c'était lesquelles, par exemple? Bah, on voit plein de fois donc cette scène qui est très sympathique, hein, mais de le plan des chiens avec Atari qui se déplace, c'est chouette, mais on le voit je crois 4 fois ou 5 fois dans le film, ces déplacements. Ensuite on nous mais dit ça, c'est plein parce de que fois... c'est un peu un road trip, quoi. C'est un road trip en wagon. Non, avec entre les chiens et le petit garçon qui est d'ailleurs le fils du gouverneur, je sais pas si on l'a dit. C'est sa pupille, ses parents sont morts atrocement, ouais. Le gouverneur l'a récupéré et il a balancé son chien comme quoi c'était l'exemple, en plus, parce que de toute façon lui il le détestait, qui était le premier chat à être balancé sur cette île, et lui il est prêt à tout, enfin c'est le héros vraiment. Et c'est très drôle parce que nous on n'est pas de son côté, on n'est pas du côté des humains, on comprend pas ce qu'ils disent, enfin c'est sous-titré, etc., alors qu'on est du côté des chiens et on est vraiment de leur côté. Enfin, pour ce qui est de la communication, c'est ça qui est marrant, on a vraiment leur point de vue, on est là, ah qu'est-ce qu'il essaye de dire, bon on sait pas ce que dit le gamin, ça, mais on comprend ce que disent les chiens. Ça, c'était très malin. Moi ce que j'ai adoré, c'est la personnification des chiens. C'est, je trouve que la manière dont ils s'expriment, évidemment ils s'expriment comme des adultes très sophistiqués, la plupart vraiment ils parlent de leur quartier, de leurs origines, enfin de manière très décontractée, un peu le ton du film, le ton est excellent. Dialogue, c'est ouais. Extrêmement il y a beaucoup d'humour, ou... c'est à la fois blasé et plein ouais. D'humour. Enfin, je trouve, moi, ce que j'ai adoré. Ça rappelle énormément Mr. Fox. Hein, ah, bah oui, oui. C'est exactement ouais. Comme ça. Hein. Ouais. Mais le chien, là, le chien errant, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle justement. Chief, voilà, Brian Cranston. Ouais. C'est lui qui a la plus grande évolution, on va dire. Et c'est vraiment un peu le mystère. C'est à la fois, il a envie d'être aimé, mais il fait genre qu'il s'en fout parce que de toute façon, c'est un chien errant. Il veut pas faire partie d'une bande ou alors il veut absolument être le chef. Et au bout d'un moment, il dit ouais, j'ai pas toujours été un chien errant. Et là, tout le monde se rapproche en mode potin, vas-y, raconte, etc. Et ils sont capables comme ça d'interrompre leur quête régulièrement pour se raconter leur vie. Enfin, je sais pas, je trouve ça c'est drôle en fait. Il y a un côté, on sait l'enjeu de la quête, c'est vraiment retrouver Spot, mais en même temps, on l'interrompt et ça crée une espèce de faux rythme par moment. Mais moi, je trouve ça drôle et hyper plaisant en fait. Premièrement. Moi, j'ai adoré, mais ce qui m'a laissé en dehors, c'est que je n'ai pas compris l'histoire de qui on me racontait. En fait, j'ai cherché mon personnage, j'ai cherché qui avait un voyage à parcourir, qui avait une transformation à faire. C'est Chief. Qui avait un problème à résoudre. Mais en fait, on met tellement de temps à arriver à Chief, et puis on en repart, et puis après on raconte l'histoire du garde de Spots qu'on a enfin retrouvé et qui lui accomplit sa destinée. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait en fait une multiplicité de points de vue. C'est un choix. Ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Mais ça, pour moi, c'est la principale raison, je crois, si j'essaie d'analyser pourquoi je suis resté un petit peu en dehors. Enfin voilà, peut-être. Mais que je suis assez d'accord avec ça. En fait, je cherchais à mettre le doigt sur ce qui m'avait aussi un peu. J'ai pas été en dehors parce que moi, j'étais vraiment avec le chien. Moi, j'ai identifié Chief comme étant le personnage principal et qui a peut-être un malentendu sur la manière dont ils ont pitché le film, puisqu'on parle d'Atari tout de suite. Enfin, même moi, quand je l'ai pitché, je parle du gamin. Or, en fait, le gamin est pas du tout le personnage principal du film. Actif. Voilà, ouais. C'est lui qui a un objectif actif. Et en même temps, comme tu dis, celui qui a la plus grande trajectoire dans le film, et comme disait Sarah, c'est Chief, parce que c'est lui qui évolue, qui passe de chien errant à chien garde. Du gamin. Qui est un film raciste aussi, parce que quand même, hein, oui. Le chien noir devient un chien blanc, happy ending. Ouais, ça j'irai peut-être pas jusque là. Non mais alors là, je veux juste changer d'idée, parce que par rapport à ce que tu dis, moi effectivement, la seule chose, j'ai failli dire le mot interdit, je me suis repris au dernier moment, qui m'a dérangée, c'est le personnage de la jeune fille, donc la jeune étudiante américaine. Ouais. Et tu peux là avoir une lecture un peu dérangeante de l'américaine qui débarque et qui explique un petit peu aux Japonais donné, écoutez, voilà ce qu'il faut faire pour faire la révolution et ce qui n'est pas bien, et qui leur fait un peu des leçons de morale. Bon, on peut le voir comme ça ou pas, mais après, en réfléchissant, tu te dis, il était quand même obligé d'avoir ce personnage-là parce que à cause de son jeu sur les langues, et qu'elle a un rapport avec eux qui fait que ça te permet d'avoir la compréhension de ce qui est en train de se dire, puisqu'ils n'utilisent pas de sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres. C'est bien qu'on comprenne au moins un humain dans le film. C'est ça, voilà. Donc, bon. Moi, je rebondis sur ce que dit Marine aussi, sur quelque chose qui m'a quand même un petit peu gênée dans le film. Hein, pardon, je fais la minute féministe, mais je trouve que les personnages féminins sont quand t'excuses même... T'excuses pas de faire une minute féministe. Ouais, sont un peu sous-exploités, quoi. Entre l'adolescente américaine, un peu cliché, mais en même temps, qui est un peu, qui donne des leçons, et la petite chienne très cliché. Bon, voilà, les personnages féminins sont un peu... Non, mais il y a dessous, quand même. J'ai trouvé. Je sais pas, moi je suis pas totalement d'accord parce que même Atari, le petit garçon, il est pas très développé. Enfin, à l'inverse, c'est l'assistante justement du scientifique qui se fait assassiner alors qu'il était en train de trouver un remède à cette grippe canine qui va reprendre le flambeau et qui va finalement aider avec l'étudiante américaine à mettre au jour le complot et le scandale. Donc, ouais, moi je dirais pas que. Après, ça aurait été sympa qu'il y ait une chienne dans la bande des chiens, par exemple. Voilà, ça, je suis d'accord. Ça, en fait, ça fasse pas bande de mecs, en fait, bande c'est de... Ouais, la seule chienne qui est présentée, c'est une chienne c'est de concours. C'est le fantasme. C'est une chienne de concours. C'est une chienne de concours, puis elle tombe enceinte. Tu vois, enfin là, pour le coup, c'est, ouais, oui, d'accord. Tu parlais de personnification, tu la transposes à un humain, c'est, t'imagines... Ah bah c'est Scarlett Johansson, voilà. C'est elle, de toute façon, qui fait la voix, donc... Bon, ça m'a un petit peu dérangée. Ça aurait été cool que Chief soit une femme. C'est une espèce de Furiosa, comme dans Mad Max. Au moins qu'il y ait une femme dans ce groupe de boss, Chief, Rex et compagnie, ça aurait été bien d'avoir une princesse. Ouais, voilà, tu vois, une reine, tu vois, Queen ouais. Ça aurait été pas mal, par exemple. Après, le film, c'est une fable, donc est-ce que c'est aussi une volonté de reprendre aussi tous les grands archétypes de la fable? Je sais pas, mais c'est un peu dommage que le personnage féminin soit... Oui, après, j'ai l'impression que c'est très libre, ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est une fable, tu dis, mais tu vois, je pense qu'ils voulaient faire une espèce d'hommage au cinéma japonais. Enfin, il a mélangé plein de choses, et je trouve que, en fait, l'histoire, au début, je me suis dit que c'était aussi c'est un film grand public et que les enfants pouvaient aussi le voir. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'est quand même assez trash quand il y a des bagarres, il y a du sang, il y a des oreilles arrachées. Tu découvres que les chiens ont servi pour des expériences et que t'as quand même des images vachement dures. Ouais, l'histoire est hyper sombre, enfants, en fait. Tu les vois avec un œil en moins et tout temps. Ça. Donc, Ouais, c'est un film. Mais oui, c'est un film sur. Je vais appuyer sur la sonnette. C'est un film sur la ségrégation, l'exclusion. C'est quand même. J'ai pas trouvé ça très très drôle, en fait. On sourit parce qu'il y a plein de... Non, c'est mignon. Ouais. C'est pas drôle, c'est l'humour dans les dialogues. Oui, mais c'est de l'humour, mais c'est pas de l'humour, pas enfantin. Ouais. Ah, si je peux rentrer dans les points positifs, moi ce qui fait que je suis resté vraiment du début à la fin et que ça m'a captivé, c'est que vraiment ils se sont attachés à aborder chaque scène d'une manière qui n'avait pas été vue avant. Et là, ils sont vraiment, vraiment... Ils ont pris leur bouquin de scénario, ils ont surligné. Vous n'avez pas le droit d'ennuyer le lecteur, vous n'avez pas le droit d'ennuyer le lecteur. Et à chaque fois, ils se sont dit, comment on peut faire pour que cette scène... On n'est jamais eu le sentiment que c'est déjà été fait, ça a été déjà abordé de cette manière-là. Et pourtant, et j'ai eu un sentiment de redondance. Mais peut-être au sein du film. Mais dans ce cas-là, tu peux dire à la limite que c'est du style. Si tu veux. Je pense que c'est du style. Hein, c'est juste que du coup. Mais vraiment, j'ai trouvé. Alors après, ils abusaient peut-être un peu trop de méta-communication, un peu trop de références. Mais en fait, chaque scène, je me suis dit, waouh, ok, c'est. Je m'attendais pas à ce qu'elle commence comme ça, je m'attendais pas à ce qu'elle se développe comme ça, je m'attendais pas à ce qu'elle termine comme ça. Bon, alors, c'est vraiment un point fort, je trouve, du film. Alors, j'ai deux questions pour vous, parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé le film. Mais le détail qui m'ennuyait, moi, c'est justement dans la trajectoire de Chief, c'est qu'il dit oui, non, j'ai pas envie d'avoir de maître, moi je suis pas comme ça. Et il l'achète avec un demi-biscuit quand même. Hein. Il casse un demi-biscuit, et en plus il nous fait tout un monologue sur un jour, il y a un gamin qui était très gentil qui a essayé de me caresser, et je l'ai mordu jusqu'au sang, et c'est pour ça que j'ai été un paria. Et là, il accepte d'aller lui chercher. Il dit oui, mais c'est pas pour te faire plaisir, c'est parce que tu me fais de la peine. Il donne un moitié biscuit, c'est réglé. Ça devient son chien absolu. Il est prêt à suivre. Ouais, au bout mais du quand monde tu connais les chiens, c'est ouais, ça fait sens. Oui, Fiona. Ah, c'est vrai. Et peut-être que justement, c'est aussi ça qui m'a un peu dérangé sur le message, même si je pense qu'il faut prendre l'histoire comme une fable. C'est quand même le seul chien qui n'avait pas de maître, qui en fait est très content de trouver un maître à la fin. C'est l'autre point, l'autre point que je voulais venir. Ce film dit quand même le bonheur pour un chien, c'est quand même d'être dominé et d'avoir un maître, et un chien ne peut pas être heureux. C'est pas dominé. C'est un garde du corps, il est pas de. Non. Typique remarque d'un amateur de chat. Non, attends. Oui, parce que moi, mon chat, je lui donne un ordre. Alors, rien à foutre. Mais le chien, ce film dit, un chien pour être heureux doit avoir un maître. La réalité, c'est qu'un chien aime être attaché à. Mais après, c'est le mot maître qui est dérangeant. Mais un chien aime être attaché à qui que ce soit, particulièrement à un être humain. Il y a une différence entre attaché et obéir. Tu vois, quand le chien, le Atari commence à donner des ordres, il fait assis-toi, chiffre, mon Dieu, il nous a dit de nous asseoir. N'importe quel humain. En même temps, tu parles d'un chien, tu parles pas d'un être humain. Mais ceci dit, Atari, lui, il a l'air très attaché à ce qu'on lui obéisse. Hein. Oui, Atari, il déconne pas. Hein. C'est vraiment. Ça marche à la baguette, chez lui. Je sais pas, moi, comme c'est pas des personnages humains, j'ai pas du tout cette lecture aussi dure. Je le vois vraiment comme un chien qui, effectivement, fait une trajectoire de. Il est dit lui-même qu'il était pas heureux. Enfin, quand il raconte son enfance, entre guillemets, où il a fini par mordre un gamin et qu'il l'enferme dans l'abri en attendant de le transférer à la fourrière pour qu'il soit tué. Enfin, tout ça, tu sens quand même, c'est assez à hauteur d'animal, j'ai envie de dire. Donc, mais quelle différence entre le gamin qui sait le caresser, qui l'a mordu, et Atari? Il a quand même tout. Il lui a donné un demi-biscuit. Non, attends, tu t'oublies le début du film. Enfin, je veux dire quand même où ils se rencontrent. Il est pas au début, il veut pas les suivre. Puis finalement, il les suit. Enfin, t'as quand même une trajectoire qui se crée entre les deux. Il y a une dynamique pour en arriver à le biscuit. Pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau où ça y est. Et surtout, c'est l'expérience. Enfin, moi, je l'imaginais cette anecdote sur le chien qui l'a mordu, l'humain qui l'a mordu. Je pense que c'était quand il était encore. Jeune chiot. Maintenant, il a vécu et il se dit que peut-être que s'il ne l'avait pas mordu, il aurait une vie plus sympa, quoi. Moi, ce qui me dérange beaucoup plus, mais dans ce sens-là, c'est justement sur l'humain. C'est-à-dire que le gouverneur, à la fin, pour moi, quand il se retourne, il y a un énorme problème à ce moment-là. Parce que c'est traité en trois coups de cuillère à peau. Il dit en fait, et là, t'as ton monologue de mea culpa, en fait, revenez les chiens. C'est un tyran total. Et là, son fils fait un haïku. Enfin, son fils. Le haïku, c'est typiquement. Tout d'un coup, ah mais oui, le sens de la vie c'est ça, il faut libérer les chiens. Ça fonctionne pas du tout. Ouais, mais pourquoi pas. Moi je pense que c'est parce qu'il y a trop de choses dans le scénario, que ça part dans tous les sens et qu'il a voulu traiter trop de choses en même temps et que quand t'arrives à la fin, t'as plus le temps et qu'il faut régler tous les problèmes. Et c'est pour ça par exemple que t'as le hacker, c'est très drôle, mais attends, c'est balancé comme ça, il sort de nulle part et boum, ça y est, il a réglé toute la situation, tout le monde il est sauvé. Il avait été un peu présenté au début à la limite, ça avait été un tout petit peu amené. C'est un plantine. Doucement, remis. Il y a plusieurs moments comme ça où on peut avoir la sensation que c'est des facilités scénaristiques. Quand ils expliquent, ça fait un peu petit montage clippé. Oui, alors il y a eu ça, le vaccin, ta. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je suis vraiment pris le film comme une fable. Et c'est pas sur ça qu'on se concentre en fait. Il y a des moments entiers. C'est oui, alors il s'est passé ça, tac, c'était réglé. On avait trouvé le vaccin. Ça m'a pas dérangé, cette fin, même la fin, ça m'a pas vraiment dérangé. Je pense qu'il y a une telle, enfin moi je l'ai pris comme ça, il y a une telle énergie et une telle. Tu sens qu'ils ont aimé faire ce film, quoi. Qu'ils ont aimé l'écrire, qu'ils ont aimé le réaliser et du coup t'es pris dedans. Enfin moi vraiment j'ai pris ça comme ça et c'était très. Anderson, il a dit qu'ils ont essayé de faire un film qui les faisait marrer eux. D'ailleurs il l'a écrit avec ses potes, enfin hein, George Schmettman, Coppola, c'est son cousin. C'est quand même des années de travail d'acharné. C'est-à-dire que c'est pas la comédie romantique où on va dans tel endroit, enfin je ne sais très personne, pour se faire son film de potes et c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que les visuels sont extraordinaires. Et surtout je trouve que en termes scénaristiques, même s'il y a des petites balles qui fonctionne pas, je pense pas que ce soit trop de choses, je pense juste qu'ils ont suivi des fils très surprenants. Par exemple toute l'histoire de la greffe, moi je m'attendais pas du tout à ce que dans L'île aux chiens ça finisse par une greffe, et on voit vraiment c'est très médical, on voit vraiment ils ouvrent comme ils ouvraient les sushis pour empoisonner le scientifique qui est son ennemi, tout d'un coup on voit vraiment ils ouvrent très chirurgicalement, ils échangent, je sais plus ce qui se fait greffer là, un rein ou je sais pas quoi, et tu te dis mais l'histoire est en train de dévier complètement. Et en fait, ils arrivent assez bien à retomber sur leurs pattes. D'accord. Et ça n'a dérangé Et ça n'a dérangé personne que Chief et l'autre chien soient frères, en fait, non ça... Ah non, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça touchant. Et Spot, non, ça, là je me suis dit, quel intérêt de faire ça? Et c'était drôle. Vraiment des ouf. Hein. Bon, non, moi drôle. Je trouvais ça drôle. C'est pour lui donner une famille. Ouais. Noël, côté ouais, c'est une famille et... après l'autre. Parce qu'à la fin, pareil, ils essaient de nous faire croire qu'il est mort et ils insistent là-dessus. Hein. Vraiment sur le côté que le premier spot est mort et donc t'as la grand-mère qui amène les bols, amène un premier bol pour la mère, des petits bols pour les chevaux. Oh mon dieu. Et c'est vrai qu'il y avait des gamins derrière moi. Ils disaient à sa mère, oh mon dieu, il est mort. Ouais, il est mort. Tu vois, ça marche au fait. Ouais, mais c'est triste, mais ça marche. Et à la fin, finalement, ils ramènent le bol pour Spot qui arrive avec son œil bionique. Ça marche dans ce film-là parce qu'il y a quelque chose de très sincère en fait. Je pense que c'est fait très sincèrement. Du coup, voilà, artificiel. Et d'ailleurs, ça se voit, je fais un tout petit aparté sur la réelle, ce que te disait Sarah, c'est que t'as même des décors qui servent à un plan de 10 secondes, qui ne seront jamais réutilisés après, alors que ça coûte une blinde de les faire. Et il s'est fait plaisir, quoi, à créer ces décors. Juste, là, par exemple, la scène du vaccin, tu vas avoir, ce que tu disais, espèce de vignette, c'est des décors que tu reverras jamais par la suite du film, et que ça va durer 10 secondes. Et c'est juste, honnêtement, cette scène, en termes d'anime, elle est hallucinante. Enfin, c'est magnifique, quoi, ce qu'il a fait. Ça s'appelle en anglais Isle of Dogs, qui se dit I love dogs aussi. Donc je pense qu'il aime vraiment. Je pense que le mot il est pas. C'est le mot de la fin. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. C'est très bon. Allez, on termine notre tour final sur ce film, Fiona. J'ai aimé. J'aurais préféré plus de moments avec les chiens et moins avec le gouvernement. Ok, Sarah. Mais je recommande totalement ce film pour les visuels et aussi parce que l'histoire elle est très très originale en fait. Vraiment, moi j'étais bluffée. Ok, Armand. Pareil, oui, c'est très beau, c'est très drôle, et malgré le petit défaut d'émotion par moment, je recommande absolument ce film, oui. Ok, Remix. Je recommande aussi ce film que j'ai trouvé très poétique, surprenant et d'une grande finesse. Voilà. Ok, Marine. Je recommande, pareil que Sarah, j'ai trouvé ça très original. Et juste une petite recommandation, il faut le voir avec la VO, parce que casting VO absolument phénoménal. Et je ne dirai rien du casting VF. Puisque, absolument. Voilà. Ouais, mais enfin, tu ne l'as pas vu en VF, tu ne peux pas juger. Non, j'ai vu les noms, ça m'a suffi. Oh là là là là là là, cette attaque. Je sais pas Brian qui Cranston, mais... tu veux pas lutter quoi. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais il y a des chiens, allez-y. J'ai beaucoup aimé moi aussi, mais c'est vrai que si on se prend la tête comme nous sur le scénario, on trouve des incohérences. Mais quand on est dedans, on est pris et ça marche super bien. Allez, on va enchaîner avec Avengers 3, Avengers Infinity War, 19e film de la saga Marvel, 10 ans d'attente et de teasing pour enfin voir ce film qui est le plus attendu de tous les temps. Meilleur démarrage de l'histoire avec 630 millions de dollars en un week-end, sans compter la Chine. Mais Fiona va nous le pitcher et nous expliquer pourquoi c'est de la merde. Alors Thanos, un grand méchant pas beau, veut rééquilibrer l'univers en éradiquant la moitié de ses habitants aléatoirement, sans discrimination de sexe, d'âge ou de richesse. Pour ce faire, il a besoin de 6 pierres d'infinité qui lui permettraient de tuer 50% de la galaxie en un claquement de doigts. Les Avengers, divisés depuis 2 ans, doivent se reformer et s'allier avec tout plein d'autres super-héros Marvel pour lutter contre cette menace. En somme, Avengers Infinity War dépeint l'affrontement de Thanos contre Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Hulk, Thor, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther, Captain America, la Veuve Noire, Tyrion, nain géant et tout plein d'autres super-héros que je ne connaissais pas tous et qu'il est possible que vous ne connaissiez pas non plus si vous n'avez pas vu les 18 films qui mènent à celui-ci. Et oui, 18 films pour savoir si Thanos va réussir ou non à obtenir les 6 pierres d'infinité et donc à anéantir la moitié de l'univers. Ce podcast est 100% spoil, donc oui, il va réussir. Défaite cuisante des Avengers, mais rassurez-vous, Infinity War, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas le dernier volet de la saga Marvel. Ouais. Oui, parce qu'il y a une deuxième partie. Ouais, je vais pas me commencer par donner des arguments. Je vais dire, honnêtement, quand tu sors de ce film, c'est cool quand même. C'est tellement cool. Je sais que c'est pas un argument scénaristique, mais bon, alors, vas-y, parce que toi non plus, t'as pas aimé. Bon, alors, vas-y, Remix. Dis-moi. Non, moi, je veux rebondir sur juste après Fiona, parce que son pitch, pour moi, il est révélateur du film. C'est que le protagoniste, c'est Thanos. Mais oui, mais c'est super. C'est le méchant. Mais oui. Et on te vend du Avengers. Ce n'est pas les Avengers qui drivent le film. Alors, et... je ne suis pas d'accord. Le héros, c'est Thanos. Les protagonistes, c'est les Avengers. Mais faux, mais complètement si. Faux. Bah, si. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, qui a le plus de conflits, c'est les Avengers. Hein, Thanos, tout ce qu'il essaye, il entreprend, il y arrive. Hein. Bah, il mais a c'est le un héros objectif, il a des obstacles, qui sont en l'occurrence les Avengers. Eux, ils sont complètement passifs. Oh non. Non, je peux pas te laisser dire non, ça. Non, mais passifs, dans le sens, leur objectif est en réaction à celui de Thanos. Lui, c'est très clair, son arc est très clair. Pourtant, le film donne une impression d'énorme bordel, de segments d'intrigue qui pourraient presque être des films indépendants. Alors que en fait... mais, et il y en a eu 18. En fait, il n'y a que lui qui a un arc très simple, très clair. Il veut ses pierres et il les a. Oui, bon, Fiona. Là où je suis... Bon, oui, c'est, je suis plutôt d'accord avec toi sur le héros protagoniste, parce qu'en vrai, dans tous les films de super-héros, les super-héros sont en réaction. Exactement. Face à un méchant. Ils ne vont pas venir alors qu'il n'y a pas de problème. Ils viennent parce qu'il y a un méchant qui veut casser la gueule de tout le monde. Donc sinon, ils n'agissent pas. Ah. Par contre, alors moi, j'aime bien les films Marvel, j'aime bien tous ces trucs-là. Mais... Oui, et ben alors donc justement je reprends le mic. Tu disais justement dans ton pitch que les Avengers qui étaient divisés. Ben je trouve que ça c'est vachement mal exploité. Peut-être, d'accord, les super-héros fonctionnent en réaction toujours à un méchant, ok. Mais pourquoi on n'a pas plus exploité la division des Avengers avec peut-être des points de vue différents? On voit clairement que Iron Man et Doctor Strange y sont assez opposés. Mais, je sais pas, chacun part de son côté. Il n'y a pas de leader du côté des Avengers. On sait très bien, on nous vend les intrigues séparées, on sait très bien que tout le monde va converger vers cette bataille finale interminable. Mais pourquoi en fait on est... En fait, je suis désolée, mais j'étais plus attachée presque à Thanos. Mais c'est le but du film. Hein. Le but du film te dit, on est presque plus en empathie avec Thanos. Oui. Et c'est pour ça. Et, voilà. Bon, bah, et, alors, et c'est exactement ce que je disais là, le podcast dernier sur le fait qu'il faut qu'un méchant soit réussi. Et c'est ce que je déplorais dans Ready Player One, c'est que le méchant était raté. Là, le méchant est absolument sublime. Il est tellement, ouais. Et c'est le personnage de loin le plus travaillé. Il arrive à être émotionnel. Il y a un moment où il est obligé de sacrifier sa propre fille. C'est la seule personne qu'il aime dans l'univers. La seule personne qu'il aime. Ouais. Et il est obligé de la tuer. Et même là, t'es obligé d'être en empathie avec lui. Parce qu'il fait ce sacrifice pour avoir la pierre et pour finalement sacrifier la moitié de l'univers. Marine veut dire un mot qui n'a pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais j'ai une question. Oui. Parce que le film s'appelle Avengers aujourd'hui sur Skadi Remix. Ils font quoi en fait les Avengers? Ils luttent contre Thanos. Thanos essaye de récupérer des pierres qui appartiennent plus ou moins toutes aux Avengers. Il essaye de leur voler et il essaye de se défendre, de défendre les pierres. Et Thanos les bat les uns après les autres pour obtenir toutes les pierres. Alors, Fiona. Donc je disais, j'aime beaucoup les films Marvel. Ah, tu reprends depuis le début là. Oui, mais contrairement à toi, je n'ai pas trouvé ce film cool du tout. Je n'ai pas aimé ce film, je me suis ennuyée alors que pourtant ils faisaient tout pour pas nous ennuyer. Mais en fait justement, pour moi le problème d'Avengers, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Justement, ouais. En fait il y a 18 intrigues différentes. Et en fait, on n'arrive plus à suivre. En fait, pour faire une analogie, ça m'a fait penser à Tinder. Voilà, ça m'a fait penser à Tinder. On voit, t'es là, tu sors avec plein de mecs à la fois. Et en fait, il n'y en a aucun que t'aimes vraiment, mais tu les vois quand même. Et après, t'en vois un et tu fais, ah oui, il y a lui aussi, c'est vrai. Pff, ouais, il faut que je me tape un rencard avec lui. Et après, il faut que je revienne avec l'autre. Et en vrai, il n'y a aucune de ces relations n'est satisfaisante. Vraiment. Rentre chez toi, mange de la glace. Ne sors pas avec tous ces mecs inutiles. Vraiment. Donc en fait, Avengers, c'est ça. C'est Tinder le film. Exactement. Tinder le film. Écoute, c'est un point de vue intéressant. Mais attends, si t'es pas convaincu par des dates avec Robert Downey Jr., avec Robert Quill, avec Mark Ruffalo, là je sais pas ce qu'il te faut, Fiona. Et je te souhaite bon courage pour ta vie sentimentale. Non, mais, justement, en fait, je trouve que il y a une impression de complexité, d'intrigue enchevêtrée, mais c'est le montage qui rend ça. Parce que en fait, du point de vue de Thanos, c'est très simple et on te coupe les segments de façon assez aléatoire. Alors on te montre une scénette, hop, on passe sur un autre groupe, hop, on passe sur un autre groupe, puis ensuite on revient à ce premier groupe. Mais il y a beaucoup trop de personnages. Il y a pas. C'est pour ça qu'en peut-être en j'essaie de réfléchir à ce qui aurait pu rendre le film un peu meilleur. Ouais, des teams en fait, des points de vue différents, et puis il y a ceux qui auraient été un peu drivés par Iron Man, les autres par Doctor Strange, j'en sais rien, mais il y a des Captain America, Black Panther et tout, ils sont complètement fonctionnels, non, mais on les oui, voit non, mais... un peu et basta quoi. Honnêtement, pour un film où il y a autant de personnages justement, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien quoi. Ils arrivent, à part quelques exceptions près, genre Bucky qui a rien à foutre du film, ils arrivent quand même à donner... Bucky, c'est le mec avec qui manque à voir. Tu n'as pas vu le film, Sarah? Ne pose pas de questions. J'étais ravie de savoir que Buffy était dans ce film. Ah, ça aurait été cool. Ah, ça aurait été cool. Mais non, mais justement, ils s'en sortent bien avec autant de personnages à gérer. Ils ont tous plus ou moins leur moment de gloire ou leur vanne qui arrive. Et quoi? Bon, attends, justement. Ok, bon, Fiona, vas-y. Non, alors, sur les personnages, il y en a beaucoup trop. On n'arrive pas à suivre. Il y en a même qu'on nous prend, on nous présente plus parce qu'on pense qu'on les connaît forcément. Ah oui, non, mais il faut voir ce film en ayant en vœu 18. Mais oui, mais oui. Ça commence. Trop d'investissement. Mais si, alors, il y a trop d'investissement. Comment j'ai fait? trop d'investissement pour voir ce film qui n'en vaut pas la peine, qui ne vaut pas 18 films d'avant. Voilà, vraiment. C'est une... Non, mais 18 films, ça fait... on peut compter en termes d'heures, vous avez 36 heures, même plus, devant ça pour arriver à. À Avengers Infinity War, non, non, non, mais attends, ça ne les vaut pas. Mais attends, mais c'est une adaptation. Je vais être plus, plus constructive, juste. Donc, il y a plein de petits groupes, et en fait, moi, je m'attache à ça comme un film seul, quand même. Un film que tu viens de voir, sans avoir vu forcément des 18 autres. C'est compliqué, déjà. Oui, mais du coup, bah, ils crèvent tous à la fin, et t'en as rien à cirer, quoi. Alors, ils crèvent pas tous à la fin, il y en a 50% oui, okay. qui meurent, déjà. Mais non, là, alors on va parler de la fin. Non, mais alors on parlera de la fin, mais je veux juste faire une aparté, moi, sur l'humour. Mais qu'est-ce que c'était insupportable! T'as l'impression que les mecs ne croient même pas à leur propre film. Ce second degré en permanence de référence, de sur-référence, mais de vanne, toujours sur le même mode en fait, l'espèce de petite vanne, tu sais, légèrement décalée, genre non, mais en fait, on est cool, on se prend pas au sérieux, mais c'était insupportable. Non, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est l'humour Marvel. C'est l'humour Marvel, mais là, avant, je trouvais que. Je trouvais que avant ils savaient l'utiliser avec parcimonie à des bons moments, mais là c'est au forceps. Non, ils te les mettent à chaque scène. À quel moment il y a la blague Marvel? Allez hop, allez. Lui on lui file. C'est très superficiel. Après j'étais entourée d'adolescents de 14 ans environ qui rigolaient à chaque vanne. Donc bravo Guillaume, tu viens de perdre 20 ans. Bah tant mieux pour moi. Hein. Non mais le problème c'est que clairement vous avez pas vu les films d'avant. C'est un film. Qui est fait pour les mecs comme moi qui ont vu. Et pourtant, je suis pas un vrai fan de Marvel. Je veux dire, il y a des mecs qui se tapent tous les comics. Parce que tu dis, oui, il faut avoir vu les 18 films. Mais il y a des comics qui sortent aujourd'hui, il faut se taper 30 ans de comics pour bien les comprendre. Et évidemment, si t'as pas vu. Non, mais si tu prends sur la première scène, ça se passe dans un vaisseau spatial, tu sais pas qui c'est. Si t'as pas vu le dernier Thor, qui est le 3, tu vas rien comprendre à ce qui se passe. Je suis pas d'accord. On a parlé de Black Panther dans un podcast différent. Je connaissais rien de Black Panther. Et même si le film avait des défauts, en tout cas, il avait le mérite de poser le personnage. Tu comprends le film dans son. On devrait pas pouvoir ne pas du tout comprendre un film si t'as pas vu les 18 avant. Moi j'ai pas vu les 18, j'en ai vu quelques-uns et j'arrivais à suivre à peu près, et je savais très bien qu'il fallait que j'avais des lacunes par rapport à ça, donc que c'était à moi de les combler aussi. Mais le problème c'est que tu dis que ce film est cool, non, parce que il y a plein de... justement elles sont où mes scènes où je me dis ah ouais ça c'est cool, j'en ai eu aucune. Quoi, tu veux dire quand Thanos il serre son poing et il balance une lune entière sur Iron Man, tu t'es pas dit waouh? Franchement on peut rien pour toi là. Franchement ouais, non je sais pas, il y avait pas de prouesse à ce niveau là je trouvais, et je me suis ennuyée. Et au-delà de ça, le problème c'est pas que les Avengers font rien, c'est que les Avengers sont nuls. Oui, mais ils sont mauvais. Mais pour une fois ils affrontent un adversaire qui est beaucoup trop fort. Non, c'est pas qu'ils sont trop forts pour eux, parce que à un moment Doctor Strange dit qu'il y a une chance sur 14 millions ou milliards, je ne sais plus, où ils réussissent parce qu'ils voient l'avenir. Et je suis désolée, hein. Non. Bon, là, je te donne 4-5 autres versions où ils auraient pu gagner là maintenant. Bon, vas-y, donne-les-nous alors. Ok, si le mec des Gardiens de la Galaxie avait pas perdu son sang-froid, ils étaient à deux doigts de lui retirer son gant, donc ça aurait marché. Bah, il retire son gant, d'accord, enfin Thanos aurait pu le récupérer assez facilement. Ok, d'accord, mais ils étaient vraiment tout prêts, donc pourquoi ils refont pas ça à plusieurs, à plein, là, une fois qu'ils se regroupent tous. Je me rappelle plus ce qui se passe juste après, mais je crois qu'il arrive pas à récupérer la pierre. Enfin, il se passe quelque chose après. Alors, ah oui, et là, après, donc. Thanos menace Iron Man de le tuer et Doctor Strange fait « Je te donne la pierre ». Alors, c'est un plan pour le prochain, très bien, mais non, ne lui donne pas, laisse-le mourir, il n'aura pas la pierre. Et surtout qu'on nous implante au début une animosité entre Doctor Strange et Iron Man, et là, d'un coup, il est prêt à se sacrifier pour lui. Excusez-moi, je vais me permettre de vous insulter, c'est assez rare chose ça. Mais vas-y, pour le film suivant. Vous êtes des pisse froids, voilà, il fallait le dire. Pourtant, il n'y a pas de Timothée Chalamet dans ce film. Il n'y a pas de Timothée Chalamet, c'est vrai. Ah non, mais tu sais que j'ai peur, je me suis dit, il pourrait peut-être prendre le rôle de Spider-Man. Je vais dire. Mais non, mais le problème, c'est que justement, c'est tout le mystère de ce film. Doctor Strange qui, dès le début, dit quoi qu'il arrive, je suis prêt à mourir, mais je ne donnerai pas ma pierre. Du temps, je crois, et finalement il la donne. Justement, en tant que spectateur, on dit mais what? Mais pourquoi il fait ça? Surtout pour Iron Man, clairement. Et c'est là où on va venir, où c'est pour moi le problème du film, le seul, c'est que ça veut dire que en fait tous les gens qui sont morts à la fin, et pour moi j'ai adoré la fin du fait que tout le monde meurt, ils ne sont pas vraiment morts, parce que et clairement c'est ça le problème. C'est merci Sarah. C'est un problème qui dit que toutes les personnes qui sont mortes en fait ne sont pas vraiment mortes. Ok. Et que le plan de donner la pierre dans l'infinité, c'est un des 1 milliard dans tous les futurs qu'il a regardé. Il y en avait un qui allait réussir. Et clairement, ce plan, il fallait qu'il donne la pierre dans l'infinité à Thanos. Et c'était pour ça. Donc ça veut dire que ce film, moi, j'ai adoré. Mais ça veut dire que j'ai peur. Ça veut dire que la suite va être forcément décevante. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que Alors, j'ai appris qu'ils avaient prévu de l'appeler Infinity War Part 1, mais qu'ils ne l'avaient pas fait pour justement faire croire qu'ils ont vraiment perdu. Et en fait, moi, la fin, c'était la seule chose positive que j'avais dans le film, en me disant, ça, c'est couillu, les héros perdent. Ouais. Oui. Et je me suis dit, oui, ça c'est génial. Le problème c'est que c'est pas vrai. Du coup, c'est ça. Mettez-vous un film de super-héros où les héros perdent, c'est génial. Là pour le coup, désolé, je trouvais que c'était couillu. Là, vous êtes contradictoire parce que vous me dites, oui, on peut pas regarder les 18 films et on veut prendre ce film comme il est tel. Eh ben, prenez ce film comme il est tel et ne pensez pas à la suite. Vous pouvez pas dire, ah bah non, avant on à savait moment-là, pas. À ce moment-là, mais si je prends comme ça, je me dis, Doctor Strange est un crétin. Il peut faire des erreurs, le pauvre Doctor Strange. Non, donc du coup, soit t'es obligé de le prendre par rapport à la suite, ah ouais, il est malin, il a eu un plan, etc. Soit tu dois le prendre que comme il est là, tu te dis Doctor Strange est un abruti, mais au moins la fin était cool. Enfin, dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. Aïe. Il y a quand même une des pierres, si je me trompe pas, je sais même pas qui c'est, hein, dans l'univers Marvel, le mec aux cheveux blancs là, il ressemble au magicien fou dans Alice au pays des merveilles. Là. Quoi ? Mais si, il y a un mec avec les cheveux blancs, on le voit justement, on le voit que dans une scène, il lui récupère une pierre, voilà. On le voit une fois. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, le collectionneur, oui, mais ça c'était dans Les Gardiens de la Galaxie, c'était un flashback. Mais non, pas du tout. C'est quand justement sa fille arrive, elle le tue. Enfin, on croit qu'elle le tue. Oui, bah voilà, c'est lui. Ça. Oui, bah c'est lui, c'est le collectionneur. Donc il récupère au début du film. Mais il fallait voir Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Ah, j'ai un autre gros défaut quand même. Non, si. Ah, j'ai un gros défaut. C'est Vision. Alors Vision, je sais plus pas d'où il sort ce personnage, hein, mais il fallait voir Avengers 2. Oui, forcément, forcément. Mais je m'en fiche. Tout ce que j'ai compris, c'est il a sa pierre sur son front et on décide de. Il faut détruire la pierre, mais si on détruit la pierre, on détruit Vision parce qu'il est greffé à elle. Mmh. Donc, on dit, on ne sacrifie, on n'échange pas les vies. Voilà, c'est la phrase de Captain America, on n'échange pas les vies. Donc, on va essayer de te sauver et d'exfiltrer la pierre de toi avant de la détruire. Et pour faire ça, on part en guerre et il y a 1 milliard de personnes qui vont se faire tuer pour te sauver la vie, mon gars. Peut-être, en plus, parce qu'il n'est pas sûr que ça va marcher, l'opération. Bah, ils ne sont pas sûrs. Pas. Oui, non, mais ça marche pas, en plus. Mais ils ne sont pas sûrs que ça marche. Et ils disent, non, on ne va pas risquer de te tuer, Vision. Donc, du coup, envoyons les Wakandais, les Noirs, en guerre. Allez-y, tout le monde vous faire tuer, parce que Monsieur Vision, qui n'est même pas un être humain, il est fait de mécanique, apparemment, c'est un robot. Voilà, on part en guerre pour sauver un robot. Ça c'est l'avenir, tu vois. Ça, c'est l'avenir, attends, si j'ai bien compris, on balance les Noirs qui vont tous se faire buter pour sauver un robot. Oui, c'est ça. Non mais pas que les Noirs, les Avengers aussi. Tout le monde. Si. Non mais franchement, voilà, dans les visions de Doctor Strange, il y a une solution de gagner. Buter Vision avec la pierre. Fin. Oui, mais elle essaye. Elle essaye et même on pense que ça réussit. Bah, elle le fait d'ailleurs. Thanos, mais elle le fait pas au début. De Thanos, il rétablit, il le remet à la vie. Quoi. Oui, mais s'il le faisait au début avant de partir en guerre. Mais non, mais le problème c'est que ça va pas que de sens. Docteur Strange à ce moment-là. J'ai pas compris. Docteur Strange à ce moment-là ne peut pas influencer ça. Il est sur Titan. Il a aucun moyen de tuer Vision de là où il est. Mais oui, c'est pour ça que sa copine, là, la sorcière, au moment où ils disent il faut détruire la pierre, elle devrait dire oui, et lui aussi il devrait dire oui, fais-le. Il le dit oui. Il le dit oui, et elle veut pas. Mais quelle connasse! Ah oui, non, mais après les gens font des erreurs. Du coup, et après, Captain America, il est d'accord. Il dit on n'échange pas les vies. C'est comme si, on négocie pas avec les terroristes. Ouais, mais si on négocie pas avec les terroristes, tout le monde meurt. Non, c'est un principe. Bon, bah ok, mais. C'est Captain America, tu t'attendais à quoi? Et de toute façon, c'est faux, Vision accepte de sacrifier, et excuse-moi, mais très belle scène, où finalement sa meuf le tue, et puis elle accepte de tuer son amoureux. Non, mais pour sauver la planète. T'es d'accord que si elle l'avait fait au début, au moment où, avant de partir en guerre, avant de tuer tout le monde quand même, parce que tout le monde va sacrifier juste pour ce type-là, quoi. Et qui va peut-être mourir sur la table d'opération. Non, mais c'est quand même ridicule. Mais c'est ce que dit Iron Man au début. Il dit, cassez-moi cette pierre et Thanos pourra jamais détruire la fin de l'univers. Exactement. Hein. Voilà, ils le font pas. Ils le font pas parce que c'est des crétins. Écoute, oui, alors, est-ce que t'as un problème avec les personnages, ils sont un peu bêtes? C'est pas grave. Ah, quand ils s'appellent les Avengers Infinity War et qui font non, on va pas tuer le robot. Non, mais ils ont les super pouvoirs. En plus, il est laid comme tout, c'est pas Wally, tu vois. Parce qu'il est rouge, c'est pour ça qu'il dit ça, espèce de raciste. Ouais, non, je sais pas, parce qu'il a un look aérien aussi déjà quand il est pas rouge. D'accord, allez, on va s'arrêter là. Moi, je voudrais juste terminer sur cette thématique de la surpopulation mondiale. Oui, c'est vrai qu'il faut en parler, ça. Oui, parce que là, je voudrais pas vous déranger. mais c'est que je trouve ça très intéressant et j'aurais aimé en savoir plus, en fait, cette motivation de Thanos. Il y a quelque chose d'intéressant. quand il en parlait un petit peu dans ses flashbacks, il dit que sur n'importe quelle planète, on a un problème de population, etc. Il y a, même Marine, dans ses motivations, il y a quelque chose d'intéressant, et ben c'est sous-exploité. Remix, tu n'as pas vu les 18 autres films, et c'est non, pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, pour être honnête, ça c'est pas expliqué dans les autres films, mais Thanos, c'est vrai, et ça, je suis d'accord, c'est une des faiblesses du film, c'est que le méchant a le même plan que le méchant qui était dans Kingsman, ou Samuel Jackson, où il disait la planète est foutue, donc je vais tuer tout le monde pour sauver la planète. C'est presque un humaniste, ce Thanos. Et oui, il dit, les gens meurent de faim. Il fait sa retraite paisible sur son petit jardin. C'est ça, c'est qu'il raconte. Mais là, le problème, c'est qu'il prend, il fait une erreur. Il prend un exemple personnel pour dire, moi, sur ma planète, on a tous crevé de faim, on est tous morts. Donc, je vais détruire la moitié de l'univers pour ça. C'est ça, voilà, quel rapport avec la Terre. Il considère, après, à tort ou à raison, que tout l'univers va clairement vers une extinction parce qu'on est trop consommateur. C'est clairement un message pour les Américains, à mon avis. Donc, il dit, bon, la solution, tuer tout le monde. On verra dans Avengers 4 si ça a marché, mais en tout cas, c'était son plan. Et son plan, et même s'il manquait de jugeote, il était quand même intéressant. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il aurait pu être plus développé. Et notamment, en tout c'est cas, ce que ça lui donne une vraie motivation de personnage par rapport à son objectif. Enfin, lui, il est clair, sa psychologie, elle est... Enfin, c'est assez cohérent, ce personnage est cohérent. Les autres, les 18 autres, là, non. On veut pas tuer le robot. Voilà. Allez, tour final, Fiona, sur ce film. Pas cool. Pas cool. Et quand ça s'appelle Infinity War, on veut que ce soit une fin. Mais pourquoi Infinity ? C'est comme si tu disais un jour sans fin, pourquoi il n'y a pas de fin ? Y a c'est pas ridicule. De deux. Ah si ? Un jour. Non, je parlais d'histoire sans fin. L'histoire sans fin, il y a un 2, il y a même un 3. Rumi. Oui, parce qu'elle n'a pas de fin, c'est logique. Ah non, mais moi je Infinity, ça veut dire pas infinie. Du tout ce film. C'est long, on n'a pas parlé de la musique insupportable. Non, c'était difficile. C'est pour les ados. Écoutez, oui, c'est exactement ça. Moi, ça m'a réveillé mon cœur d'ado que j'ai probablement jamais perdu. Mais c'était tellement cool. J'ai vraiment pris mon pied. Il y a quelques scènes un peu trop longues, mais c'est objectivement, on prend son pied en regardant le film. Et je le recommande chaudement. Et j'ai hâte de voir la suite qui ne sort que l'année prochaine. Et spoiler, c'est probablement Captain Marvel. Parce que vous avez attendu la fin du générique ? Non, mais la fin du générique, il tease la suite dans un an. Marvel Girl. Et là, ça va vous faire plaisir, bande de féministes. C'est une femme qui va sauver l'univers. Ah, bah, et là, vous devriez être contente. J'ai envie de dire, il est jamais trop tard. Oui, jamais trop tard, oui. Allez, on termine avec le film. Allez, on termine avec le film qui a réussi l'exploit d'être plus chiant que Call Me By Your Name. The Third Murder, écrit par Hirokazu Kurida. J'espère que je prononce bien. J'ai choisi un film japonais Kurida. Juste pour t'entendre prononcer. Juste pour ça. Ouais, et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, The Third Murder, c'est l'histoire d'un avocat qui est père d'une ado qui est divorcée et qui se retrouve à défendre un homme qui a tué quelqu'un puis qui a brûlé son corps. Donc cet homme, je me souviens plus de son nom, le suspect, plaide coupable. Mais le protagoniste, c'est-à-dire l'avocat, va quand même chercher à en savoir plus pour pouvoir le défendre. Donc il va, pendant tout le film, essayer d'en apprendre plus sur son client. Et il va osciller en permanence entre l'idée de se concentrer sur sa stratégie de défense au tribunal et la volonté de savoir vraiment la vérité sur toute cette affaire. Qu'on ne saura jamais, je peux vous spoiler tout de suite. On est bien d'accord, parce que j'étais pas sûr d'avoir bien compris la fin. On ne sait pas finalement si c'est lui ou si c'est elle qui l'a tué, le mec. C'est très compliqué. En fait, le problème, alors dans ce film, moi je trouve que tout est raté. Mais vraiment tout. Heureusement, tu l'as pas vu Avengers. Hein. En termes de scénario. Oui, c'est vrai, en termes de scénario, parce que peut-être que si tu regardes un plan comme ça, pris tout seul, tu te dis, ah tiens, ils ont osé la superposition des visages entre l'avocat et son client, qu'est-ce que ça signifie ? Ouais, ça veut dire que c'est le même cliché. Homme qui se pose les mêmes questions. Bref. Ouais, en fait, c'est une histoire criminelle. Le pitch aurait pu être un bon polar. Alors qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas ? En fait, rien ne prend. Le personnage principal, mais on s'en fout complètement de lui. Il est pas du tout développé. Il a cette gamine dont il ne s'occupe pas. Il est divorcé, mais on sait pas qui est son ex-femme. Son père, son vieux père, qui est seul bon personnage de tout le film parce qu'il fait des blagues. Bon, sexiste, mais quand même, il fait des blagues. Remix, reviens. Il y a harcèlement sexuel. Il a 2 minutes, mais on fait ah tiens, c'est marrant. Et en fait, son père, il l'aime pas. Il est désagréable avec lui, mais il veut quand même savoir la vérité de ce type-là, de son client. Et en même temps, il veut se concentrer sur sa stratégie de défense, donc on ne sait pas ce qu'il veut. Et de toute façon, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Et je ne sais pas, en fait, les choses arrivent de manière complètement brutale, sans qu'on les attende, sans qu'on... Sans qu'on veuille, enfin je sais pas, par exemple l'histoire de finalement c'est, j'ai tué un pédophile. Quoi? Mais d'où ça sort, quoi? Ah, mais c'était pas vrai? Pour le coup, je l'ai vu venir dès le début. Ah, alors moi j'ai. Sauf que là où j'ai été surprise, c'est qu'après. Je pensais que c'était sa fille cachée. Attends, Marie. Oui, pardon. Non, oui, non, moi je me suis dit, bah clairement, enfin je sais pas, c'était évident à partir du moment où ils introduisaient la gamine dans l'histoire. Après, il me semble que. Il faut dire que cette gamine, c'est la fille de la victime. C'est-à-dire que ce type qui a été assassiné, il a une famille, il a une femme qui se foutait complètement de lui, qui n'est pas du tout triste qu'il soit mort. On lui prête d'ailleurs une liaison avec l'assassin de son mari, mais on saura jamais si elle a couché avec lui ou pas. Visiblement pas, mais rien n'est moins sûr. C'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois, ils t'introduisent une piste. Alors d'abord, ouais. T'as celle avec effectivement sa femme qui apparemment l'aurait fait tuer pour se débarrasser de lui. Puis en fait, non, c'était une histoire de dette. Ensuite, t'as la gamine, donc c'est la fille de la victime qui dit qu'en fait son père abusait d'elle et qu'elle l'aurait fait. Soit elle l'aurait tué, ou alors elle aurait demandé au mec qui est honteux de le tuer à sa place. Donc il y a toutes ces pistes-là, et aucune de ces pistes-là n'est terminée. Rien n'est bouclé, tu ne sais pas et laquelle est la bien bonne. Amenée en plus. Et aucune n'est amenée correctement. Alors, pour le coup, la gamine, je pense que là, c'est un peu personnel. C'est soit tu le vois. J'étais tellement cliché, je me suis dit, ah bah, tous les coups, c'est ça. Effectivement, c'est en fait, tu la vois, en plus, elle traîne la. Elle boite. Enfin, donc. Est-ce que tu crois que c'est à cause du viol? C'est moi. Mais parce qu'en fait, elle t'explique, t'as toute une histoire qu'elle est tombée du toit ou qu'elle. Alors, tu comprends pas bien, est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'il l'a poussée, est-ce qu'elle a essayé de fuir son père pendant une agression, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose de congénital qu'elle a depuis l'enfance. Ça, pareil, tu sauras jamais. Et tout ça, c'est jusqu'à la fin du film, et t'attends, et tu dis, bah à un moment, je vais quand même avoir une récompense, je vais des réponses. D'être resté pendant deux heures. Voilà, d'être resté pendant 2 heures, puis je pense que j'ai lutté pour pas m'endormir. Et en fait, non, tu n'auras jamais aucune réponse. La récompense, en tout cas, j'ai pas compris. La récompense, c'est que tu as le droit de sortir de la salle. Fiona. Alors, je suis contente, moi, parce que j'ai des problèmes d'insomnie. Et ça m'a vraiment... c'est bien, ça. Ça, c'est un bon traitement. Non, plus sérieusement, j'avais pas pu le voir au cinéma parce que... dû à son grand succès, il n'était plus en salle à ce moment-là. Donc j'ai dû pour le podcast le télécharger. Je l'ai regardé légalement sûr. Évidemment. Je l'ai regardé. Je tiens quand même à dire qu'il est toujours en salle, mais peut-être pas dans un rayon de 1 km près de chez toi. Ça, c'est... Je suis banlieusarde, d'accord. Peu importe. Ouais. Donc je l'ai regardé en vitesse accélérée et c'était encore trop long. Mais tu peux pas donner ton avis si tu regardes un film en accéléré. Non, mais vraiment, si, je l'ai regardé à des moments en accéléré, quand il y avait juste le ciel à l'image. Après par exemple. 2 minutes de film. Au-delà de ça, vraiment, le vrai problème, au-delà de toutes les non-réponses à toutes nos questions et toutes les pistes qui n'ont pas, on a un problème, c'est qu'on s'en fiche, en fait. On s'en fiche parce que le personnage l'avocat veut sauver, donc le supposé assassin, n'est pas attachant. Enfin, il a l'air d'être OK avec son sort, un peu fou, assez d'accord avec le fait de l'avoir tué et du coup d'avoir à subir la peine de mort. Et du coup, on se dit, il s'acharne, à le sauver, mais pourquoi ? Puis il change d'avis. Et puis il change d'avis, tu dis pourquoi ? Et puis on s'en fiche un peu qu'il meurt. Enfin, c'est horrible, mais on s'en fiche un peu qu'il meurt ou pas, quoi. On se dit, il a l'air OK... Voilà quoi. Mais justement, moi je trouve que c'était. Attends, Armand, et tant que Armand s'exprime sur ce film, dis-nous des points positifs. Ah non, le point positif, j'en ai pas en scénario, mais vraiment pas. Si la première minute, je me suis dit, tiens, un homme tue un autre et brûle son corps, et pendant que le corps brûle, il pleure. Je me suis dit, tiens, peut-être des remords, peut-être il le tue contre. Je ne sais pas. C'est peut-être juste les vapeurs de l'essence. Hein, qui peut-être, les peut-être. Et puis, en fait, finalement, à chaque révélation, passer une réaction de non-surprise, arrive une indifférence totale. Oh. Et de la somnolence à nouveau. Et en fait, Oui, c'est ça. Mais Fiona l'a bien résumé en ses propres termes. On s'en fout complètement parce qu'on personne n'a de combat. Personne. On comprend pas pourquoi l'avocat veut le défendre spécifiquement. Pourquoi lui? Pourquoi? À part la curiosité. Il a été désigné. Non, mais pas. Oui, mais c'est son boulot. Mais le problème, c'est que tu vas voir un film, tu veux pas voir juste quelqu'un qui fait son boulot. Tu veux voir quelqu'un qui est passionné. Les Avengers, c'est exactement ce qu'ils font. Oui, ben c'est peut-être aussi pour ça que j'ai rien à foutre des Avengers. Et c'est pareil, le type, l'accusé, tu te dis, mais il veut être défendu, il veut pas être défendu. Pourquoi il cache la vérité? Pourquoi il cache la vérité? Juste pourquoi il cache la vérité? Pour pas que la fille soit condamnée. Il y a aucun enjeu à cacher la vérité. Oui, Sarah. Non, mais c'est vrai. Attends. Que je pense que là, le film, là où c'est vraiment raté, c'est qu'il a voulu faire un protagoniste qui allait avoir une arche narrative. Où il y a, en gros, au début, quand ils disent « Ouais, mais en fait, qu'est-ce que c'est la vérité ?» Et ils sont tous là. Genre, on s'en fout, nous, on se concentre sur la stratégie de défense, on est des frais avocats. Et on voit que petit à petit, voilà, il va de plus en plus, en gros, se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est la gamine qui a tué son père? Est-ce que c'est lui qui l'a tué pour la gamine? Est-ce que c'est autre chose? Et en fait, qui va devenir fou petit à petit, parce qu'il se pose vraiment la question de la vérité qu'il n'aura jamais. Et tu te dis, c'est un avocat qui plonge, en fait, et qui se fait avoir au propre jeu de qu'est-ce que c'est que défendre un criminel, etc. Je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais ça échoue totalement. Ça a déjà été fait, et mieux dans d'autres films. Bah oui, mais... Et même dans Layer avec Jim Carrey, ils l'ont mieux fait. Je sais dire. Mais c'est surtout que c'est bizarre, s'il y a des dialogues, il y a des fausses punchlines de temps en temps. Tout est tellement premier degré, et de toute façon, il sort une phrase supposément hyper profonde, je sais pas si vous avez eu ça, mais qu'en fait les oiseaux là qui tombent à plat, mais totalement. Mais oui, la symbolique des oiseaux morts, je sais, pareil, il y en a plusieurs. C'est... L'oiseau est sorti de la cage, mais en vrai, attends. Tu sais que c'est moi qui l'ai fait sortir par la fenêtre. Oui, est-ce que c'est censé nous donner un indice sur est-ce que t'as tué ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont essayé vraiment des choses, mais que ça tombe à plat. Et Marine ? Oui, moi j'ai compris exactement la même chose que Sarah. Je me suis dit, au début, tu vas avoir effectivement un film où au début, il ne pense que stratégie, et puis petit à petit, il va se laisser fasciner par ce type, un peu comme le film avec Anthony Hopkins, Le Silence des Agneaux, voilà, ça me revient. Waouh, t'as comparé The Sound of Mordor au Silence des Agneaux ? Je me suis dit, peut-être, mais non. Et c'est surtout que tu vas, moi je m'attendais à tomber vraiment dans l'esprit de ce criminel, et effectivement, que bah, tu ne sauras jamais la vérité parce que le mec te balade et que le type est hyper intelligent et qu'il va se laisser prendre au piège par ce mec qui va le balader pendant tout le film et qui va changer de visage en fait au fur et à mesure du film. Je trouve que ça aurait été hyper intéressant de voir un criminel où à chaque fois qu'il va le voir c'est finalement jamais le même et où il découvre une nouvelle facette, sauf que bah, je pense que c'est ça un des problèmes du film et peut-être le principal, c'est que les personnages ne sont pas du tout traités. C'est ce que vous disiez, c'est qu'à un mot, aucun moment on t'explique les motivations de cet avocat, à part il y a son pote au début qui lui dit bah tiens prends-le parce que moi j'ai pas envie, enfin je me mets un peu chier de le défendre. Tu sens que ça va être chiant. Voilà. Attends. Ensuite donc t'as lui, bon la gamine bah tu sauras jamais vraiment ce qui se passe de son côté. Aucun des personnages n'est caractérisé, tu comprends pas leurs enjeux, tu comprends pas leurs motivations, tu comprends pas d'où ils viennent, et celui qui est encore le plus maltraité que toutes les autres, bah c'est le personnage qui aurait dû être le plus intéressant, c'est le criminel. Et lui, il restera toujours derrière sa glace, là, derrière sa vitre d'interrogation, et tu sauras jamais vraiment quel était son jeu et quel type de personnage il est, en fait, quel type de criminel il est. Ça reste complètement opaque, et donc bah, tu restes complètement en dehors du film, parce que tu ne comprends rien. Pour rebondir, c'était juste une phrase que disait Armand, qui était mais en fait, c'était quoi les premiers et les deuxièmes meurtres? Et c'est vrai. Et tu es là, ah oui, tiens, il y a eu deux meurtres avant, mais qu'est-ce que c'était? On ne saura pas non plus. Justement, les deux premiers meurtres, c'est parfait exemple d'une non-dramatisation d'un truc qui aurait pu être. Ah aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je reviendrai. Non, moi je voulais revenir sur les personnages c'est vraiment le problème. Parce que peut-être si on avait été attaché à l'un d'eux, on aurait pu suivre un petit peu et se demander vraiment et être à la place de l'avocat, de dire mais mon Dieu, mais il y a quelque chose, il y a un secret, il y a quelque. Mais sauf que on a le fou, parce qu'il a l'air un peu fou. On a la bambam là qui se balade et qui en plus est bizarre quoi. Elle va là où son père est mort. Et c'est marrant, d'ailleurs, l'avocat la voit et fait « Est-ce qu'elle est autorisée à être là ?» C'est pas du tout suspect, non, une gamine qui boite près d'une scène de crime, c'est pas du tout « Allô, ça clignote pas ?» C'est son père en même temps. Donc, oui, non, mais à ce moment-là, il ne savent pas. À ce moment-là. Oui, mais peut-être qu'il passe par là pour aller à l'école, on ne sait pas. Non, mais il faut vous expliquer comment j'ai vu le film, parce que justement, je suis très rassuré de vous entendre, parce que moi, je n'ai rien compris au film. Et justement, le problème, c'est que ce film, contrairement à vous, ne m'a pas endormi. En fait, j'aurais aimé m'endormir. J'aurais aussi aimé le regarder en accéléré comme toi. Mais c'est qu'il y a un épisode des Simpsons qui est le fils de Monsieur Burns, où enfin Flanders parle tellement de choses qui ne l'intéressent pas Homer que son cerveau s'en va. Et on le voit sortir. Et ben, il m'est arrivé la même chose. Vraiment, mon cerveau s'en allait et il revenait de temps en temps tous les quarts d'heure. Je fais, ah oui. Ah non, en fait, c'est rien passé. Il parle toujours à son client. Et, ah si, maintenant il dit qu'il est coupable. Ah ok. Ah, d'accord, très bien. Et le film s'est déroulé comme ça, avec moi, des absences, comme si le film était coupé pour moi. Et en fait, je me dis, j'ai rien compris, mais pas parce que j'ai raté le film. Mais en fait, non, si on le suit assidûment comme vous, en fait, on ne comprend rien quand même. Ça me rassure énormément. Armand ? Et de toute manière, même quand on n'a pas compris, on s'en fout. Mais surtout, mais en fait, je trouve qu'il y a des fautes, mais d'amateurs en scénario. Tous les interrogatoires des avocats sont sur le mode question-réponse. C'est une question, une réponse. Ouais. Juste la première scène du Silence des Agneaux, c'est juste, enfin, ils ont jamais vu de film avant ou quoi. Et il y a quelque chose qui aurait pu faire, qui aurait pu être très bien fait, c'est qu'il y a le juge qui a jugé apparemment les deux précédents meurtres ou le premier, qui arrive dans l'histoire, qui est le père de l'avocat, qui est le personnage principal, on ne sait pas, qui défend le... Voilà, bref, t'as le père qui est juge, qui a donc jugé le premier meurtre et qui a permis que le type soit libéré et soit mis en liberté et puisse commettre un troisième meurtre, donc. Et donc tu te dis, ah, il va peut-être avoir des remords, peut-être qu'il va regretter d'avoir jugé avec trop de clémence ce criminel qui a permis que... Et première scène, il dit, oui, j'ai jugé avec trop de clémence ce criminel, je regrette. Et après, il fait des blagues fin... de cul à la secrétaire. C'est fin de la dramatisation, merci, au revoir, aucune émotion, problème, salut. Justement avec la famille donc, de l'avocat, parce qu'on a mis une intrigue avec la fille de l'avocat, qui est censée aussi lui rappeler... Ils ont tous les deux, le criminel et la victime, avaient une fille qui boitait, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre d'avoir compris ça. Si, je crois. Donc, il doit avoir un lien avec les filles, parce que lui aussi, il y a une fille de 14 ans avec qui il s'entend pas. Mais pareil, c'est laissé en suspens, on sait pas... On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ses filles et ses problèmes avec sa fille aussi, parce que non, on le demande deux fois et puis on... Et peut-être pour terminer là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé des personnages féminins dans les films et tout, là c'est quand même assez à l'image de tout le film le problème, c'est-à-dire que c'est des énormes clichés entre la secrétaire qui n'est là que pour amener les cafés et rigoler aux blagues de cul du père de l'avocat et la gamine qui s'est fait violer, et tout le monde s'en fout qu'elle se fasse violer d'ailleurs, c'est... Est-ce que ça va être bien pour la stratégie de défense? Mais alors le fait qu'une gamine se soit fait abuser pendant des années par son père, mais tout le monde s'en fout. En même temps, ça c'est très réel. Oui, mais je pense que c'est pas fait exprès. Moi, je trouve que c'était la scène la plus... Je pense pas que ce soit vraiment fait exprès. En tout cas, ça aide pas à avoir de l'empathie pour aucun des personnages. Voilà, c'est raté. On a assez parlé de ce film. On va faire le tour final. Fiona? Bonne nuit. Bonne nuit, très bien. Sarah? Non, c'est moi. Je recommande d'aller voir un des derniers films de Kore-eda qui s'appelait Tel père, tel fils. Ça n'a rien à voir. Et qui était un chef-d'œuvre. C'était japonais. Et c'était voilà. Donc ce type-là, ce réalisateur, est capable de faire des films formidables. Mais là, c'était pas le cas. C'est il a fait une erreur, comme Doctor Strange, tu vois. Armand. Non. Revoyez la faille. Très bien. Non, Rémi, tu l'as pas vu, Marine. Non, on n'y allait pas. Moi, c'était une grosse déception pour une fois qu'on avait un film japonais et c'était nul, quoi. Si je te l'offre en DVD, tu le regardes ou pas? Absolument pas. Ouais. Enfin, si c'est une insomnie, comme disait Fiona, ouais, tout à fait. Bah écoute, je ne vois aucune raison de regarder ce film. Même, tu sais, qu'il dit que c'est quand même bien de regarder des mauvais films, mais même là, non. C'est même pas suffisamment mauvais pour en apprendre des choses. Je pense que c'est vraiment inutile. C'est le film le plus inutile que j'ai jamais vu de ma vie. Allez, on termine avec les courez ou fuyez, c'est l'autre nom des recommandations. On a piqué ça au masque qui l'a plu, mais ils en veulent pas, on le prend. Donc, Fiona. Bon, c'est pas nouveau, mais il y a Handmaid's Tale qui la saison 2 reprend, donc regardez Handmaid's Tale. Ah, il y a une saison 2 déjà ? Oui. Il y a déjà 3 épisodes de sortie. J'ai l'immense privilège de voir sur grand écran au festival Sérimania et je recommande la recommandation de Fiona. Oh, putain, mais c'est cool, ça, je savais pas ça. Sarah ? Alors, comme on est allé à Sérimania toute la semaine dernière, j'aurais pas mal de recommandations. Je peux peut-être me focaliser sur The Split, qui est une série britannique qui a fait l'unanimité. Qui est une série sur le divorce, sur des avocates spécialisées en divorce. Et c'est à la fois très classique et très fin. Et l'auteur, je crois que c'est l'auteur de The Hour, Abby Morgan, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'est remarquable et c'est très... Pour le coup, là... Je pense que l'auteur du film japonais peut vraiment prendre exemple. Parce que c'est quelque chose de très classique et à la fois, t'as énormément d'empathie pour les personnages, ils sont originaux et voilà. Donc, je recommande The Split. Ok, Armand. Moi, c'est un courrier, c'est un stand-up. Si vous avez aimé, par exemple, Blanche Gardin, c'est dans la même veine, encore plus choquant. C'est dire, moi, je ne suis pas choqué facilement. C'est une nana qui s'appelle Ali Wong. C'est visible sur Netflix et ça s'appelle Baby Cobra. Elle fait un stand-up donc d'une heure, enceinte de 7 mois et demi, à expliquer qu'elle est obligée de bosser enceinte sur scène parce que son mec avec qui elle vient de se marier sort d'une école de Harvard, mais a 70 000 dollars de dette. Pourquoi vous croyez que je fais une performance avec 7 mois et demi de dans le bide? Et elle est choquante et très très drôle. Ok. Remix ? Eh bien, moi, je reste aussi sur les recommandations de séries vues à Sériemania. Mm-hmm. Et je recommande On the Spectrum, qui est une série israélienne sur une colocation de 3 autistes qui a gagné le grand prix au festival de Sériemania. Merci Guillaume. Une colocation de 3 autistes, c'est une comédie, rassure-moi. Bah oui, c'est une comédie, mais c'est d'une finesse, c'est extrêmement touchant et vraiment ça va passer sur Arte a priori dans une vraie comédie quoi. Voilà, et c'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Les Sœurs d'autistes. Ok, Marine. Alors moi, je vais déroger ma propre règle parce que pour une fois, je vais faire une dérecommandation. Ah ben oui. Là, j'ai vraiment besoin. Donc j'ai vu Don't Worry, You Won't Get Found Foot de Gus Van Sant et c'était une catastrophe. Moi, je pensais que c'était un film sur un caricaturiste en fait qui s'est mis à dessiner après un accident qui l'a rendu paraplégique, il est dans un fauteuil roulant et qui a un humour extrêmement cynique, très très choquant, enfin voilà, qui a beaucoup choqué les gens mais qui en même temps est très profond. Je pensais que ce serait ça et en fait tu te retrouves sur un film avec un mec qui était alcoolique et qui est en rédemption et qui passe toutes les étapes jusqu'à demander pardon à la terre entière. C'est très pas intéressant. Enfin, j'étais c'est hyper très pas intéressant. Non, voilà, je sais pas comment parler mais c'était vraiment nul, donc fuyez. Ok, et ben moi avant tout, je vais quand même féliciter le Stade français qui a réussi à se maintenir en top 14. Bravo les mecs. Et c'est un fuyez, c'est Far Cry 5, le jeu vidéo, donc les Far Cry qui sortent tous les 2 ans. Arrêtez de vous marrer, j'ai pas commencé à en parler. Et alors, c'est un Far Cry classique, c'est-à-dire que la scène d'intro est absolument magnifique, la fin est absolument magnifique, et entre les deux, on se fait chier pendant 30 heures. Voilà, ils ont rien renouvelé, ils ont essayé d'enlever des événements en disant on monte plus à des tours, ça va être bien. Le scénario n'a ni queue ni tête, on affronte des évangélistes américains, on est coincé dans le Montana, l'armée refuse de venir, on sait pas pourquoi. Le personnage est muet, ils ont revu en arrière, c'est-à-dire que ton personnage ne parle pas du tout, donc tu ne sais pas qui c'est. Et en plus, il s'évanouit toutes les 30 secondes. C'est absolument insupportable. Donc ne jouez pas à Far Cry 5. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous écrire à c'est quoi le pitch @gmail.com et on se retrouve dans 2 semaines.